podcast Studio Dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui vous raconte le jeu de manière transversale sous toutes ses formes. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que vous nous écoutez. Et après un confinement qui a sans doute été compliqué pour nous toutes et tous, on revient. Alors la nouvelle aussi qu'on doit vous annoncer, c'est que... C'est que Simon a son téléphone qui sonne. C'est que donc, c'est non seulement le dernier épisode de la saison, et comme vous l'aurez peut-être deviné avec le titre, c'est aussi le dernier épisode de Ludologie. Voilà, on a réfléchi, on s'est consulté tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et tout simplement, envie de faire autre chose sous d'autres formes. Et voilà, on espère en tout cas que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre. Mais avant ça, on a une émission à faire déjà. Et j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Corentin, Fanny, Célène, Yuna, Simon, moi-même. Et en face, à distance, il y a donc mon camarade Manuel avec qui j'ai cofondé Ludologie. Et on va faire un tour de ces 6 années. Oui, alors Clem, effectivement, va peut-être nous rejoindre. Elle pouvait pas être là aujourd'hui. En tout cas, on l'embrasse très fort si elle ne peut pas nous rejoindre avant. Et donc, avant de se dire au revoir, on va faire un petit tour d'horizon de ces 6 années en partageant des émissions qui nous ont tenues à cœur pour une raison ou une autre. On va commencer par mon camarade Manuel qui est à distance. Bonjour camarade. C'est un podcast de gauchiste. Un peu loin, je me suis exilé. J'ai profité du confinement pour partir dans les confins. Est-ce que ça vous va si on parle chiffres un peu avant de rentrer dans le détail des épisodes? Parce que voilà, je savais qu'il y avait des gens qui étaient un peu comme moi, des maniaques de la stat. C'est pas très long, mais ça permettra de mettre un peu en perspective tout ce qu'on va pouvoir raconter après. Donc je sais pas, ou alors on le garde pour plus tard, c'est comme vous préférez. Non, vas-y. Alors, j'ai été chercher un peu des chiffres. On a diffusé 168 podcasts, dont 94 épisodes de Ludologie. On a eu au total 72 invités, dont 20 femmes, ce qui reste une minorité conséquente. Je pense que ça s'est amélioré de saison en saison, donc on aurait fait une 7e saison, je pense que ça aurait été la folie. Dont 20 femmes, dont une invitée qui a rejoint l'équipe, d'ailleurs, ça vaut le coup d'être précisé quand même. C'est vrai. Je pense qu'elle se reconnaît. Et on a une dizaine d'épisodes spéciaux aussi, donc des épisodes où c'est fin de saison, des épisodes sans invité, un épisode de Noël qui a été initié, piloté, organisé par Fanny et Célène sur la saison 5. Et puis si on a 94 épisodes pour 168 podcasts, c'est aussi parce qu'on a 74 conférences et tables rondes qui ont été enregistrées pendant le Stunfest. Alors là, j'ai pas compté les intervenantes parce que j'avais la flemme de compter toutes les personnes qu'il y a eu sur toutes ces conférences, mais il y en a eu beaucoup, puisqu'on a diffusé toutes les conférences de 3 éditions de Stunfest. J'ai le total en nombre d'heures de contenu. Est-ce que vous êtes capable de deviner combien d'heures de contenu représente Ludologie? Il n'y a rien à gagner. Non. 300. J'aurais dit 250. Mm-hmm. Eh bien, nous avons 204 heures de contenu. C'est un petit peu moins que ce que vous aviez estimé. Mais ça reste quand même un volume pas négligeable de 104 heures de réflexion sur ce que c'est que le jeu comme objet culturel. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais écouté Ludologie et que vous écoutez en continu, ça vous fait quand même quelques journées bien remplies, quoi. Vous avez de quoi vous farcir le cerveau honorablement. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait avant vous, hein, puisque puisque au total, il y aura eu 100. Il y a, à l'heure actuelle, en tout cas, il y a eu 147 000 écoutes d'épisodes de Ludologie et 5 500 téléchargements, ce qui représente donc un total d'un peu plus de 150 000 écoutes ou équivalents écoutes. Alors, il y a des. Normalement, on a des élus à la ville de Rennes dans l'Assemblée, donc ils le sauront peut-être mieux que moi, mais je pense que ça doit être plus ou moins correspondant à la population de la ville de Rennes elle-même, sans parler de l'agglomération. Grosso modo, non, je dis peut-être une bêtise. Sinon, Wikipédia me corrige. Rennes, c'est plus de 200 000 habitants. Ville même ? Oui, la ville même, oui. D'accord, bon, bah, on est un peu en dessous. Mais ça viendra avec le temps, puisque vous allez pouvoir continuer à réécouter ces épisodes. Alors, dans les épisodes, nous, on va parler des épisodes qui nous ont plu, bien évidemment, plus tard dans cette saison. Mais en tout cas, dans les épisodes qui ont déjà été un petit peu plébiscités par le public. Alors, c'est les mêmes qui restent présents depuis un certain temps. Je pense qu'il y a un effet d'auto-entraînement. Globalement, tous nos épisodes sont écoutés dans des volumes assez comparables, avec aux alentours d'un millier d'écoutes par épisode. On a quelques-uns qui ressortent du lot, donc l'épisode 28 de Ludologie. Je pense que vous serez capable. Je suis sûr que quelqu'un parmi vous est capable de me dire de quel épisode il s'agit. Oui, oui, ça ressent sans problème. C'est celui sur l'Escape Game. Exactement. Le premier qu'on a fait avec Fibre Tigre. Comment faire un Escape Game avec Fibre Tigre qui a eu un peu plus de 3000 écoutes. Le deuxième, c'était la rediffusion d'une table ronde à laquelle j'avais participé, qui était organisée par notamment Julien Delorme, où il y avait Julien Poire, qu'on a reçu aussi dans un épisode. Qui parlait du Bleed, David Meulemans, éditeur aux Forges de Vulcain, sur les rencontres entre jeux de rôle, littérature et créativité. Et le troisième, donc celui-ci, a, cet épisode-là compte 2951 écoutes, donc il n'est pas très très loin de l'autre, un peu plus loin, troisième sur le podium, c'est l'épisode numéro 47 de Ludologie. Qui doit se situer en saison 3, logiquement, avec 1810 écoutes, un épisode avec Mathieu Triclot, sur lequel peut-être des personnes reviendront, sur un sujet qui nous avait tenu à cœur très tôt dès la création de Ludologie avec Adrien, à savoir la triche. L'épisode « Est-ce que tricher, c'est encore jouer ?» qui se classe troisième dans le classement des épisodes les plus écoutés de Ludologie. Les premières conférences Stunfest viennent un peu plus tard dans le classement. C'est dans les 10 premiers, c'est sûr qu'il y a les premières, mais en tout cas, on a eu des invités qui à eux seuls, ou en tout cas les sujets à eux seuls, ont attiré spécifiquement l'intérêt de nos auditeurs. Voilà pour ces quelques statistiques de vues sur l'ensemble de la production Ludologie. Aujourd'hui. Bah merci beaucoup Melville pour ces, effectivement, ces petites rétrospectives. C'est vrai que c'est quand on a commencé toi et moi en colloque avec Émeric l'aîné qui est donc coordinateur général de 3Hit, je crois qu'on a dû faire à peu près 20 écoutes dans la première quinzaine, ce qui m'avait un petit peu déprimé à l'époque, mais très vite ça a grossi jusqu'à devenir le podcast qu'on connaît aujourd'hui. Mais maintenant on va passer donc aux épisodes qui ont marqué notre petite aventure podcastique. Je vais commencer par qui veut commencer justement autour de la table. Ne vous bousculez pas vraiment, Fanny. Alors moi, je vais juste, avant de commencer de parler des épisodes que j'ai aimé enregistrer, je vais commencer par l'épisode que j'ai aimé écouter. Alors, il a fallu du temps. J'en avais trois serrés sur le podium, j'en ai gardé qu'un. Et c'était l'épisode que, alors de mémoire, c'était Manuel et Célène qui avaient enregistré sur Jeux et Intimes, il me semble. Alors, j'ai plus le titre exact et c'était un épisode avec Morgane Régnier. Un jeu, donc Morgane Régnier, elle est autrice de jeux de rôle, elle a notamment fait un jeu épistolaire qui s'appelle Sur les routes de Chrysopée. Et j'en ai un souvenir incroyable, c'est quelqu'un qui a une voix très douce, qui a partagé des éléments, en fait, des témoignages du jeu dans son enfance, avec notamment des anecdotes avec le jeu avec son père, et c'était vraiment un épisode qui était très doux et que j'ai particulièrement aimé. Je crois que j'ai dû l'écouter 2 ou 3 fois, en fait. Ouais, j'ai écouté plusieurs fois. Et pour l'anecdote, moi, j'ai une amie qui est repartie de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est un jeu qu'on a choisi. Et à cause de cet épisode, c'est un jeu qu'on a choisi de se mettre à jouer pour garder le lien. Parce que quand il y a plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui séparent les gens, c'est un peu difficile de garder du lien. Et que, voilà, on s'est dit que le jeu, c'était un bon moyen de garder du lien. Ah oui, épisode 36, le jeu, une expérience intime. Merci Manuel, qui est en plus notre agent statistique. Et, c'est moi la bibliothécaire normalement, mais j'ai pas accès à un ordinateur. Donc, Fek, qui veut partager l'épisode qu'il a préféré écouter ? Parce que, comme je parle jamais en fait, je me suis dit, pour une fois, je vais faire un effort. Et en plus, je me suis préparé parce que j'ai pas relu ce que je voulais dire. J'ai pas relu l'épisode que je voulais dire que j'avais préféré 5 minutes avant parce que je l'ai sous les yeux. Là, comme ça, c'est vachement pratique. Bah moi, en fait, je voulais reparler de l'épisode 75, Jeux et botanique, qui avait été fait par Fanny Adrien le 10 février 2019. Parce que je trouvais quand même le sujet vachement culotté. Parce que voilà, c'est juste, je vous refais le petit speech. C'est quoi une plante dans un jeu vidéo ? Est-ce que les plantes jouent ? Et bah, je l'ai trouvé vachement intéressant l'épisode, avec plein d'exemples super variés, et des trucs qu'on pouvait même pas s'y attendre. Donc franchement, allez réécouter ça, parce que c'était génial. Alors juste pour rebondir, c'était Xavier Aubriot qui est un, j'allais dire doctorant, mais en fait non, plus maintenant, il est maître de conf. Il a travaillé voilà, au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, à celui de Paris. Et en plus d'être grand joueur, c'est un botaniste accompli et voilà, qui était absolument passionnant. Et pour nous aussi, ça a été une chouette rencontre. Avec cette personne et qui était c'était vraiment super. On a passé des clés de reconnaissance botanique qui sont comme des livres dont vous êtes le héros jusqu'à Skyrim en passant par je crois qu'on a parlé des plantes dans Pokémon aussi à un moment dans voilà et de sa pension pour Tolkien parce que vous n'aurez pas eu le droit à la conversation je sais pas peut-être de 3 heures qui a suivi l'enregistrement de cet épisode parce qu'il est aussi passionné de Tolkien que moi et c'était un plaisir de parler des plantes dans Tolkien parce que ça aussi ça mériterait tout un épisode. Personnellement, il y a un épisode que j'ai adoré écouter et que je vous recommande. Alors, on pourrait dire que c'est un peu de la triche parce que c'est vrai que c'est un épisode sur lequel on a travaillé avec Fanny. Toutefois, je pense que ça rentre un petit peu dans la consigne dans le sens où c'est Fanny qui l'a monté. Et après, du coup, j'ai écouté le montage et là, j'en ai pleuré. Et c'était des belles larmes. Hein. C'était vraiment des très belles larmes. J'ai réalisé vraiment, et on en reparlera peut-être, mais la puissance de ce qu'on faisait à ce moment-là. Alors dans cet épisode-là, mais dans les épisodes de ludologie de façon générale, je peux que vous recommander donc cet épisode qui date de décembre 2018. C'était l'épisode de Noël. Et qu'est-ce que c'était beau comme épisode de Noël ? Juste préciser que le thème, donc, c'était pourquoi tu joues ? Vous aviez posé la question de pourquoi nos auditeurs et auditrices jouaient. Pourquoi tu joues donc ? Et c'était, pour rappel, donc, on avait demandé aux auditeurs et aux auditrices de Ludologie de s'enregistrer pour répondre à cette question, avec des réponses plus ou moins courtes, plus ou moins longues, sachant qu'on avait quand même donné une petite consigne pour pas que ce soit trop long. Toutes les réponses ont été très intéressantes, très riches, très pertinentes. Et ça donnait vraiment un panorama qui moi, m'a frappé. Je me suis vraiment mangé un mur dans la tête à ce moment-là et c'était vraiment salutaire. Je suis assez d'accord parce que moi, c'est un des premiers épisodes que j'ai écouté. Moi, j'ai découvert le podcast en fait après les conférences du Stunfest. Parce que j'avais envie d'en rattraper certaines, parce que j'avais beaucoup de frustration de ne pas pouvoir assister, de ne pas pouvoir me dédoubler, et voilà. Et en fait, je trouve que c'est un épisode qui résume assez bien ce qu'a réussi à mettre en place le podcast, c'est-à-dire inviter les gens à se questionner sur plein de choses, mais à vraiment plein de niveaux, que ce soit au niveau de la politique dans le jeu, la poésie dans le jeu, le corps dans le jeu, enfin, tout en fait. Et du coup, à terme aussi, je trouve que ça a beaucoup aidé à faire comprendre en fait qu'on peut jouer avec tout le monde et que c'est aussi en apprenant la façon dont les personnes jouent qu'on arrive à constituer des groupes qui sont plus homogènes, à ne pas se mettre en difficulté, justement à vivre des expériences très différentes. Et donc je trouve que c'est super beau de pouvoir non seulement effectivement laisser la parole à des spécialistes qui vont apporter un regard un peu plus pointu sur certains sujets et transmettre leur savoir, mais aussi faire la somme de tout ça en faisant des épisodes où du coup bah, on a pu constater que ça portait ses fruits et qu'en plus de ça, du coup, les gens avaient aussi envie de témoigner et de dire ben, « moi, je joue comme ça et de cette façon, j'apporte mon expérience et je fais évoluer ça. » Et pour moi, c'est là où ça fait « je rebondis dessus » et du coup, je prends de l'avance sur ce que je voulais dire, mais tant pis ou tant mieux, j'ai envie de dire. Cette expertise dont tu parles, Yona, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Et c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui fait qu'il y aurait des gens qui seraient mieux que d'autres, en fait. Au contraire, ce que je veux juste dire par là, c'est que c'est avant tout de la passion qui s'exprime. Nos invités, dans tous nos épisodes, on a à chaque fois cherché, non pas forcément des sommités reconnues, quoiqu'il y en a eu quelques-unes, mais surtout des gens qui étaient passionnés par le sujet ou du moins dans l'angle dans lequel on les questionnait. Et c'est pour ça que les personnes, elles arrivaient à parler avec des tirades de 10 minutes et c'est pour ça qu'elles arrivaient à creuser au fond des sujets. C'est la passion qui s'exprime. Et c'est aussi pour ça que je trouve cet épisode « Pourquoi tu joues si beau ?» C'est que pour moi, tout le monde est légitime à parler de sa propre expérience, en fait. Et à partir du moment où on parle avec le cœur, où on commence à dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, on peut pas être en tort. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est hyper important. C'est pas se laisser silencier, laisser les autres nous dire non mais t'es pas spécialiste et toi on veut pas t'écouter. On veut pas t'écouter. Au contraire, je pense que c'est avec ce genre d'expression qu'on réussit vraiment à construire quelque chose de collectif et de beau. Ouais, je prends la suite pour l'épisode que nous avons préféré écouter. C'était une question un peu compliquée pour moi parce que l'udologie, c'est pas le format auquel je suis habitué et j'ai écouté très peu d'épisodes. Donc j'ai dû un peu me replonger quand on a choisi de faire ça dans les différents épisodes qu'on a diffusés. Et mon œil, puis mon oreille, a été attiré par l'épisode 54. Comment financer son jeu ? Et pour une raison qui s'approche un peu de ce que tu disais, en fait, Céline, sur la notion du fait que l'expertise, c'est pas magique. Moi, perso, dans ma démarche et dans ce que j'aime bien apporter dans ce type d'émission, c'est, essayer en tout cas, c'est le côté... comment dire, montrer aux gens que c'est pas, il n'y a pas d'expertise derrière, il y a des méthodes simples, et il y a des gens qui sont là pour les expliquer comment eux ils ont fait, comment on peut le reproduire et comment en fait on peut réussir à faire quelque chose si on le souhaite de concret de sa passion et la faire avancer, la diffuser largement. Et cet épisode-là pour moi il contribuait largement à cet objectif-là que je trouve vraiment cool et louable. Juste pour info, c'était un épisode avec comme invité Michael Pfeffer et Thomas Bidot. Merci à eux, du coup. Un épisode qui était vraiment chouette à enregistrer. Enfin, je le dis parce qu'on l'avait enregistré avec Adrien, pour le coup, avec des personnes à distance. Michael Pfeffer, c'est un des cofondateurs du studio de jeux vidéo Miklo, qui fait des choses plutôt intéressantes, à mon sens. Et effectivement, on avait des gens qui avaient... une parole très franche sur un sujet dont on se disait avec Adrien avant d'enregistrer l'épisode qu'il aurait pu être un peu délicat et c'était agréable d'avoir des gens qui parlent avec franchise de ce truc qui est toujours un peu difficile à aborder, quoi, la thune. Mais oui, donc c'était Thomas Bidot de Ico Partners, donc quelqu'un qui est assez reconnu dans son métier et d'accompagner des projets. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que par la suite, on a interviewé des personnes qui ont travaillé avec Thomas. Et c'est, ouais, voilà, il y a quelque chose que j'avais pas vu venir et qui s'est fait au fur et à mesure du podcast, c'est apporter justement des billes pour monter son projet ou faire son jeu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu venir quand le podcast a émergé. Yuna, tu voulais réagir. Non, je vais prendre le micro, c'est pour ça. Je l'ai en main, mais je tiens justement à rebondir là-dessus, en fait, sur le fait que moi, j'ai pas eu le temps, largement pas du tout, d'écouter tous les épisodes. C'est très difficile pour moi de déterminer un épisode en particulier que je préfère. Mais par contre, ce qui était intéressant, justement, en faisant un petit peu un parcours de tout ce qui s'est fait jusque-là, c'est de voir que on parlait des questions d'expertise et tout, mais c'est quand même vraiment un podcast qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on y trouve de tout et tout le monde peut s'y retrouver. C'est pour ça que là, effectivement, peut-être que le podcast s'arrête, dans le sens où il n'y aura pas de nouveaux épisodes, mais il est loin d'être enterré, parce que à travers toute la diversité qu'il propose encore, à la fois sur les épisodes, donc les diverses saisons qui ont effectivement beaucoup évolué, et tout ce qui a été retransmission justement aussi des conférences du Stunfest, il y a de quoi écouter. Manuel nous disait le nombre d'heures que ça faisait en tout. Effectivement, je pense qu'il y a quand même peu de gens, bon, peut-être quand même s'il y a pas mal de gens qui ont dû écouter tout, mais enfin, il y a de quoi redécouvrir. Il y a aussi probablement des épisodes qui, comme ça peut le faire sur certains jeux ou certains films ou choses comme ça, vous parleront plus maintenant qu'à l'époque, qui ne vous intéressaient pas il y a 4 ans et qui vous intéresseront beaucoup plus maintenant. Donc, plutôt que d'être un peu triste que ça se termine, réjouissez-vous d'avoir encore des tas de choses à découvrir, parce que vraiment, il y a de quoi faire. Enfin, c'est hyper varié. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas. Alors si, ça c'est peut-être un conseil que je peux vous donner. Ne vous arrêtez pas à certains titres d'épisodes qui peuvent paraître un peu... alors, je dirais pas rébarbatif. J'ai pas envie de me faire taper noms dessus. On veut les noms. Non, j'ai pas forcément... non, en plus, genre on a déjà la métalepse. Ouais, alors c'est vrai. Et j'aimerais bien aussi que Corentin nous parle un peu du bleed, d'ailleurs. Oui, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un podcast qui s'appelle Ludologie qui est pas mal, vraiment, essayez-le. D'ailleurs, l'épisode s'appelle pas le bleed, hein. L'épisode s'appelle ce que l'on emporte avec soi. Ah, Melville... Et bim. Manuel voulait interagir. Oui, c'était juste pour réagir sur ce que disait Yuna quand il disait « je sais pas s'il y a des gens qui ont tout écouté ». Alors, je peux te dire, vu les statistiques qu'on a... C'est un double point. Non, il y a des gens qui ont tout écouté, mais manifestement, il y a des gens qui ont écouté certains épisodes plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui ont... Enfin, on a des stats sur SoundCloud d'utilisateurs qui ont un volume d'écoute plus important, un nombre d'écoute plus important que le nombre d'épisodes. Donc je présume qu'on a quelques fidèles. Et on a eu aussi des témoignages. Moi, je sais que ça a été un des moments qui m'ont beaucoup, beaucoup touché dans l'udologie. On a eu des témoignages de certains intervenants, notamment... j'y reviendrai, qui enseignent en game design et qui nous ont indiqué qu'ils recommandaient le podcast à leurs élèves. Voilà, ce qui est quand même plutôt cool à entendre. Donc, on a pu bénéficier. Et j'ose espérer que effectivement une très très large majorité des épisodes est réécoutable aujourd'hui et sera réécoutable encore pendant plusieurs années sans que ce soit... dépassé. Je me permets juste sur le sujet du nombre d'écoutes multiples par épisode pour un utilisateur. Il y a un autre élément à prendre en compte et qui, à mon sens, est plutôt rassurant quand on voit s'aligner les épisodes d'une heure à une heure et demie de Ludologie, qui est que c'est sans doute aussi des gens qui les écoutent en plusieurs fois et qui donc reviennent se connecter. Mais c'est aussi une possibilité, c'est un bon moyen d'écouter Ludologie que de pouvoir le casser en petits morceaux faciles à digérer. Oui, bah complètement. Je sais que c'est comme ça que je fais. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai écouté les épisodes que je vais citer dans ces épisodes que je vous conseille en tout cas. Je vais commencer par le numéro 89, Impro et jeux de rôle avec Eugénie Bidet, que bah, justement Corentin t'avais enregistré avec Clem. Je trouve que, bah, déjà, Eugénie, c'est quelqu'un de formidable et que je vous recommande absolument son blog Je suis pas MJ, mais voilà, et les conférences qu'elle a pu donner, notamment au Stunfest ou autre, ou Utopial aussi. C'est un épisode qui est très didactique, il y a plein de billes pour apprendre, pour jouer en jeu de rôle, et c'est assez marrant parce que moi-même, ayant fait du théâtre quand j'étais gamin, j'ai retrouvé des choses où j'avais pas fait le pont, et Eugénie, et grâce aux questions de Clem et Corentin, a pu faire le pont. Autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est le 79, C'est quoi cette boîte de jeu? Alors là, pareil, le titre, je ne vais pas emballer plus que ça. Mais en fait, c'est Ludovic Papaïs, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui donc travaille aux éditions Yellow, qui explique à Manuel et Corentin comment on fait un jeu de société, comment on l'édite, du prototype jusqu'à la version boîte. Je vois que Corentin me tend sa main. Oui, tu veux réagir, non? C'est juste que... Enfin, là aussi, cet épisode-là, toujours dans cette idée de possibilité de reproduction. Moi, c'est un truc qui m'avait vraiment tenu à cœur. C'était intéressant, d'ailleurs, de travailler avec Manuel sur ce point-là, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes questions. Et je ne sais pas, toi, quel angle tu avais pris, Manuel, mais dans ma tête, je m'étais vraiment dit comment on fait pour que les gens qui ressortent de l'épisode puissent se dire « Ok, je vais pouvoir faire un jeu comme ci, comme ça. Les partenaires, c'est ça. Voilà comment je fais mon jeu de société. » Quoi. Moi, ma logique, c'était plutôt step by step. C'est vraiment où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait progressivement, et comment c'est, qu'est-ce que c'est le processus d'édition du début jusqu'à la fin. Mais il y avait quelque chose de très chronologique, en tout cas, parce que je pense que c'est un truc qui permet de comprendre assez facilement ce qui se passe. Et un truc qui est assez intéressant dans cet épisode, qui est chouette aussi, c'est un chouette truc qu'on a fait dans l'idéologie, c'était d'ouvrir l'équipe. Parce que du coup toi Corentin, le monde de l'édition, t'as une petite expérience dedans puisque c'est un peu ton travail, et donc du coup t'as apporté un autre regard là-dessus sur éditer un bouquin, éditer un jeu de rôle ou un jeu de société, c'est pas exactement la même chose, et qu'est-ce qu'on peut en dire, quels sont les points communs ou les différences, tout comme l'improvisation ou jeu de rôle. Il y avait aussi, j'ai commencé à l'écouter mais je l'ai pas terminé, c'était le jeu de rôle par forum, je crois que c'était toi Céline, je sais plus avec qui, avec Yuna, non, parce que je vois avec Corentin, décidément. Oui, on avait fait cet épisode avec Corentin, avec un invité qui est Christophe Zer, qui est donc game designer et graphiste de mémoire, qui raconte ça. Il y avait ça et il y avait un autre où tu étais dedans, Céline. C'était sur la nostalgie, je crois. Oui, tout à fait. Les deux épisodes d'ailleurs ont été tournés presque au même moment. Je crois que c'était un jour d'intervalle. Pour moi, c'était un épisode particulier, celui des jeux par forum, parce que il me permettait de renouer aussi avec une phase de ma vie où j'en avais fait beaucoup. Et justement, Christophe Zer, en plus d'être game designer, était un de mes partenaires de jeu à l'époque. Donc c'était riche. Du coup, le fait qu'on l'ait tourné dans les mêmes jours que celui de la nostalgie, c'est pas anodin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on part d'expérience personnelle pour en faire quelque chose de... Ouais, universel, tentons le mot, qui transcende le simple giron du jeu vidéo, du jeu de rôle ou du jeu de société, et en tout cas j'espère que le pari est tenu. Simon, tu as pris le micro, donc non ? Non, je tiens juste le micro pour quand les gens ont besoin. Et il y a un truc aussi, alors je sais pas si vous, ça vous a marqué, c'est aussi, consciemment ou non, on a eu cette idée de prendre un sujet, un thème qui n'a rien à voir avec le mot jeu, avec le thème du jeu, et en faire des podcasts. Donc je pense à Botanique, par exemple. Quand tu me l'avais proposé, Fanny, je t'ai regardé avec des grands yeux, mais je me suis dit, ok. Là, récemment, on a tenté religion, jeu et religion, plus une approche historique. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Sur la triche, c'était facile, et surtout avec des bons clients comme Mathieu Triclot. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que je vous invite à explorer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, comme ça, des idées qui vous sont venues? C'est plus sur cette fois-ci un retour de comment on l'a vécu, tout en conseillant l'épisode. Hein. Mais moi, j'ai un souvenir particulier, et je pense qu'il est partagé par Fanny, de l'épisode qu'on a enregistré aux Utopiales de 2017. Utopiales, novembre 2017, et où on a interviewé Sabrina Calvo. Il y avait quelque chose de magique à ce moment-là. Je pense que les Utopiales, la dimension du festival joue aussi, mais le fait d'interviewer Sabrina Calvo, de recueillir la richesse de son intervention et de nous prêter vraiment à ce travail-là d'interview et de quelque part de recherche, parce qu'il a fallu chercher l'invité aussi. Ouais, mais je pense qu'en plus c'était vraiment, je me rappelle qu'à l'époque on s'était dit, c'est la première, là on sent vraiment on fait partie de l'udologie. Je sais pas, il y avait un truc, on avait un passe-presse aux Utopiales. Moi, j'étais. Franchement, j'avais l'impression d'avoir upgradé dans ma vie avec ça, déjà. Clairement. Clairement. Et le truc, c'est que sur la saison 2016-2017, on n'avait jamais enregistré toutes les deux, je crois. Pas seul, peut-être un toutes les deux. Une fois, mais sous patronage. Enfin, c'était. Et là, il y avait clairement un level up. On était des bébés. Ouais. Ouais. Et y avait quelque chose de beau qui se passait. Et ben, je me rappelle que c'est vraiment le moment où on s'est senti faire partie de l'équipe pour de bon. Et on s'est pas planté dans la technique. Pourtant, qu'est-ce qu'on a stressé parce qu'on devait gérer le micro pour la première fois toute seule. Ben voilà, donc il y avait cet aspect, voilà, la première fois sans les petits trous, quoi. Ouais, et puis en fait, c'était une journée particulière parce qu'on a enregistré deux épisodes l'un après l'autre. Donc il y avait avec Eugénie c'est aussi. C'est ça, le premier ouais. Avec Sabrina Calvo, donc ça a été une claque. Donc déjà, moi, c'est une autrice que j'admirais beaucoup, donc j'étais un peu en mode fangirl. Impressionnée et en fait le contact est extrêmement bien passé et c'était assez impressionnant comme épisode. Et juste après, je sais pas, une heure plus tard, on a enregistré avec Eugénie sur S'entraîner à jouer. Et là, j'ai pareil rencontré une personne formidable avec vraiment pareil un contact qui s'est noué extrêmement facilement, très différemment. Beaucoup plus dans un échange intime et ce que j'ai trouvé rigolo c'est que nous on l'a interviewée sur ce sujet-là et puis elle nous a interviewé juste après oui. Pour son blog et il y avait une réciprocité dans cette pratique-là qui m'avait beaucoup touchée à l'époque. Oui, pour le blog et pourtant elle joue, oui, tout à fait. Et d'ailleurs cet enthousiasme de ces Utopiales, ça nous a porté toute cette saison-là. Je me rappelle pêle-mêle, il y avait alors c'était pas forcément avec Fanny mais je me souviens de plein d'épisodes qu'on a tourné à cette saison là celui sur la muséification, celui sur les visual novels, sur jouer au Moyen-Âge, enfin il y en avait des tas, je vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est des moments comme ça qui donnent de l'énergie et qui aident à se sentir légitime dans sa pratique aussi de podcast. Moi, je vais prendre la suite parce que dans les épisodes que j'avais à recommander en écoute, il y avait justement S'entraîner à jouer avec Eugénie. Et je ne dis pas seulement ça parce que c'est une personne chère à mon cœur, mais pour le coup, en plus, l'épisode est hyper didactique. Et c'est vrai que c'est rigolo d'avoir ces deux-là. Je me souviens aussi assez bien de ces Utopiales. Et c'est rigolo d'avoir ces deux-là parce que ces deux personnalités... un petit peu différente quand même, Sabrina et Eugénie, en termes de structuration de pensée. Effectivement, enchaîner les deux, ça devait être intéressant pour les tournages. Et le s'entraîner à jouer est vraiment... c'est un peu contre-intuitif, l'idée de s'entraîner à jouer. Et l'explication qu'en est faite est vraiment, vraiment claire et bien. Et en plus, c'est mené en termes d'interview très efficacement... Et joliment, effectivement, si Adrien cite plutôt les liens avec le théâtre d'impro, hein, pour le coup, c'était plutôt celui-ci, ce premier épisode donc, qu'on avait enregistré avec Eugénie qui reste dans ceux que j'ai bien aimés. Dans les autres épisodes que j'ai bien aimés, je ne sais pas si on peut dire que c'est un thème plus léger, mais il y a un épisode qui a été enregistré avec Maria Kalash par Adrien et Fanny. C'est l'épisode donc S'entraîner à jouer, c'était l'épisode 56 et un peu plus tôt la saison précédente, l'épisode 42, c'était pas un épisode sur la réponse à l'univers et tout ça, c'était un épisode qui s'appelle C'est quoi un jeu idiot mais pas bête, sur ces jeux complètement cons mais en même temps drôlement bien faits, c'est comment Adrien, c'est Quoif ou un truc comme ça, Oui, le jeu où on court, c'est quoi, ouais. C'est ça. Et un épisode où il y a une certaine jubilation, et il y a ce qu'on a eu dans certains épisodes de l'Ludologie, c'est-à-dire une recherche en même temps qu'on enregistre, où on sait qu'on est sur un sujet pas très clairement borné, et qu'on essaye de le construire et de l'identifier en cours de podcast. Moi, je trouve que ce processus-là est assez fascinant. Excusez-moi, c'est marrant parce que je vais réagir après, je vais repasser la parole à Yuna et Fanny. Oui, je suis assez d'accord. Il y a, je sais, je pense que vous le partagez, enfin je sais, on en a discuté hors micro avec certains et certaines d'entre vous, il y a parfois un temps de rodage dans les émissions. Le premier quart d'heure parfois, bon bah c'est, on met en place un peu qui est l'invité, c'est quoi l'angle. Et souvent, ouais, c'est la dernière demi-heure qui est vraiment jouissive, mais bah, il faut le temps avant justement pour que le moteur chauffe et même qu'en tant qu'auditeur ou auditrice, on soit prêt à l'entendre. Je voulais revenir sur la question de la légitimité en fait que t'évoquais Célène, parce que en fait moi il y a eu, alors c'est un épisode qui est réécoutable, maintenant c'est pas un épisode qui a été vraiment mené par l'un ou l'une d'entre vous, c'est justement une rediff d'une des confs du Stunfest. Je vais y arriver. C'était Manette et activisme, le jeu vidéo peut-il être un outil révolutionnaire? J'en parle parce que c'est une conférence qui a été menée par Célène et qui a eu un déclic énorme en moi en fait. Parce qu'il y avait quasiment que des femmes sur scène. Donc moi, je me suis dit, mais bah, déjà trop bien. Pour parler d'un sujet qui ne touchait pas particulièrement les femmes, parce que ça, il faut quand même le dire aussi, c'est que c'est souvent un petit peu usant de voir qu'on invite des femmes pour parler des femmes, alors que la révolution, ça nous concerne, je dirais même majoritairement. Et du coup, à l'issue de ça, moi, je suis sortie de là en me disant, en me rendant compte qu'après... bien plus de 30 ans d'expérience de jeu, etc. En gros, je me sentais pas vraiment légitime jusque-là. Et de pouvoir m'interroger sur ces questions-là et d'avoir été en plus amenée après en fin d'année à les mettre vraiment en pratique à travers des choses comme le stream reconductible ou ce genre de choses-là, pour ne citer que ça, mais où je me suis dit c'est concret, ça marche vraiment. Ben, en fait, je me suis dit oui, ça a vraiment une utilité, c'est-à-dire qu'à travers le jeu vidéo, on peut vraiment se rendre compte déjà de d'autres mécanismes, et bah, là en l'occurrence à travers une conférence, un podcast, etc., se sentir légitime et du coup démarrer des choses réellement, quoi, et mettre en place des choses dans ce qu'on va appeler la vie réelle et dans la politique, mais comme quelque chose de très vaste, hein, je dis pas politique de façon très, mais juste le vivre ensemble et la façon dont on organise notre vie nous-mêmes, quoi. Donc vraiment, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse d'écouter cet épisode-là, parce qu'il est particulièrement intéressant, mais en tout cas, vraiment, encore une fois, je reviens sur le fait que, bah, comme ça amène à se questionner, ça n'amène pas forcément à se questionner que sur le jeu en plus. Oui, je peux confirmer que c'est un épisode, alors sans présumer de l'identité de chacune des intervenantes, en tout cas, il n'y avait pas d'hommes cisgenres, en tout cas. Et c'est vrai que ça introduit quand même un biais intéressant dans la façon de poser la question, parce qu'il y a des choses qui sont qui ne seraient pas explorées autrement et qui là sont explorées, et il y a des choses qui seraient habituellement à défendre et qui là n'étaient pas un sujet. Je me rappelle quand on se réunissait pour préparer les sujets de ces conférences, justement, quand là, c'était juste une sorte de répartition un peu naturelle, qui est le plus pertinent, hop. Et c'était à un moment, lors d'une réunion pré-conférence du Stunfest, où en passant en revue toutes les conférences, on s'était rendu compte après coup que c'était justement une conférence que par des femmes, avec des femmes, sur un sujet qui n'était pas du tout du féminisme, le sexisme et compagnie. Et on était tellement contents les uns et les autres quand on s'était rendu compte de ça, parce que ce n'était pas fait exprès. En fait, on avait juste pris les personnes les plus pertinentes dans le carnet d'adresses qu'on avait, quoi. Et c'est vrai qu'on était tout contents. Ça a une sorte de politique par les actes, et ça, c'est effectivement sans doute le mieux qu'on puisse voir. On a fait, je pense, un gros tour. Je pense que vous avez déjà pas mal de conseils d'écoute pour ces plus de 200 heures, je crois, de podcasts qu'on a enregistrés. Je ne sais pas ce qu'il en sera, en tout cas, sur les futures conférences du Stunfest. En tout cas, il y a Ludologie, certes, se termine, mais Studio Dilettante, l'association qui porte Ludologie, elle, est toujours en route. Et après on verra ce qui se passe, surtout que bon, là cette année il n'y a pas eu de Stunfest du fait du coronavirus. Si sur Animal Crossing, c'est vrai, tu as raison Fanny de me le rappeler, c'est vrai, les possesseurs de Switch ont pu s'amuser joyeusement avec ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi je voulais juste faire un petit point peut-être avant d'ouvrir et de conclure. 6 ans c'est long, on a tous et toutes évolué. 8 ans ? Non, 6 ans, 9, ouais, 7 ans. On a tous évolué chacun de notre côté. Moi, Je vais prendre mon cas personnel. Je pense ne plus être du tout la même personne entre le premier épisode de Ludologie et aujourd'hui. Déjà parce que ma pratique ludique s'est grandement enrichie. Je suis beaucoup plus ouvert et beaucoup plus attentif à les questions d'inclusivité, par exemple. Je pense que Ludologie est un biais pour se déconstruire. Et n'hésitez pas à recommander à vos amis qui ont des interrogations sur ce sujet-là. Sur les questions de jeux de rôle, safe word, sur de choses, il y a des vraies choses. Et d'où ma question que j'ai envie de vous poser, chers camarades. On le sait que c'est un podcast de gauche, on ne l'a jamais dit, mais on ne va pas se le cacher quand même. C'est le dernier épisode, on a le droit. Comment l'idéologie ou le fait de travailler ensemble vous a fait évoluer? Je peux peut-être relever le défi. Personnellement, je pense, je crois en plusieurs choses. Déjà au fait de faire des erreurs qui permettent d'évoluer. Parce que quand on se plante, quand on se pète bien la gueule, et qu'on reconnaît qu'on s'est pété la gueule, on peut. Moi personnellement, dans ma pratique du podcast, j'ai eu du mal à comprendre au départ la différence entre chronique et interview. C'est un écueil dans lequel on avait discuté avec Fanny aussi. Et c'est vrai que on se pète la gueule, on se gamelle, on refait une autre erreur qui est différente et puis on réapprend. Et moi, je relis ça beaucoup aussi à ce que disait Yuna tout à l'heure sur la question de légitimité. Moi, je pense que, et c'était Avery Alder que j'avais vu dire ça sur Twitter. Donc Avery Alder, c'est une autrice de jeux de rôle qui a fait Dream Rescue, Monster Heart, etc. Qui avait dit que dans une communauté, nos actions vont montrer une forme d'exemple. Et je ne parle pas de l'exemple d'une personne puissante, ou etc., mais juste que les personnes, par mimétisme, et puis se regardent. Et quand nos actes vont définir aussi la façon dont les autres vont percevoir ce qu'est le succès, ce qu'est la légitimité. Quand on est tous en train de se regarder à « Ah, j'étais plus légitime que moi, machin, moi, j'ai pas le droit de parler », forcément, les gens ferment tous leur gueule, parce que les gens se disent tous « Bah, du coup, on va laisser parler machin, il s'y connaît mieux ». Et là, on crée des communautés très cloisonnées, et où finalement, on va avoir un pouvoir très vertical, et seules quelques personnes qui ont la parole. Et quand on a le droit de se tromper, quand on a le droit de dire des conneries, quand on a le droit d'expérimenter et d'être un, c'est une démarche d'humilité aussi. Là, on peut arriver à avoir une parole publique, à expérimenter aussi des méthodes d'expression. Sur ma chronique, je crois que c'était de l'an dernier, j'avais parlé d'expression par le game design. Et moi, en fait, je crois à l'expression, que ce soit par le design ou autre chose. Si vous ne sentez pas une âme d'artiste de design, ça peut être un autre art ou ça peut être tout autre chose qu'un art. Personnellement, oui, je pense que ça a façonné ce qui va devenir mon futur, parce que j'ai été élue dimanche dernier comme conseillère municipale, et mine de rien, c'est pas rien. Il va falloir s'adapter, apprendre, et je pense que d'une certaine manière, je le dois aussi à l'udologie. Pas de point de vue électoral. Voilà, si vous voulez être élu, vous faites du podcast, les amis. Pas d'un point de vue électoral, mais du point de vue que, ça m'a aussi aidé à prendre plus souvent la parole, à poser ma voix, à poser des raisonnements, à formuler des trucs. Et que ce soit le podcast ou autre chose, et que ce soit pour une élection ou autre chose, je vous recommande de toute façon de vous exprimer, d'essayer. D'aller comme ça vers les autres, parce que c'est aussi aller vers soi. Fanny. C'est super beau, donc c'est difficile d'enchaîner sur cette très jolie phrase. Moi, c'est encore une histoire de légitimité aussi. Pour moi, l'udologie, ce que ça m'a apporté, je me revois très bien dans le bar où je me trouvais face à Manuel et Adrien le jour où ils m'ont dit « Au fait, on veut te parler d'un truc ». Tu connais l'Udologie, notre podcast? T'as déjà écouté? Non, jamais. Bon, t'aimes le jeu? Oui. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais pas loin. J'avais jamais écouté l'Udologie. Et je participais juste à des cafés-débats sur le jeu vidéo. Et c'est vrai que ça faisait partie de mon profil. C'est qu'on était censé débattre. Et je passais quand même beaucoup de temps à poser des questions aux autres participants. Et c'est ce qui leur avait fait... fait tilt, puisque le but de ludologie, c'était de poser des questions à des gens. Et j'aime bien poser des questions à des gens. Et en fait, ouais, côté légitimité, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de sortir de la méfiance aussi. C'est que moi, plus jeune, surtout à l'adolescence, j'ai eu... comme énormément de filles qui ont pu jouer des remarques sur le fait que, en pêle-mêle, je jouais pour choper des mecs, pour me rendre intéressante. Je devais faire, citer les 150 Pokémon si je voulais prouver que j'y avais joué. Et expliquer que j'avais dû jouer 3 fois, 4 fois à Fable pour justifier le fait que j'aimais bien un jeu auquel j'avais joué 10 heures. Je me sentais tout le temps sur la sellette à devoir justifier ça. Je sais que je me suis mise au jeu de rôle très tard parce que j'ai été kickée de mon groupe d'amis où on m'a dit clairement non, tu ne viens pas jouer avec nous parce que tu es la seule fille. Donc ça a été hyper dur et je suis restée crispée sur ce truc-là très longtemps en me disant que de toute façon les joueurs c'était des cons. Et je parle bien au masculin, pas neutre. Hein. Voilà, c'est énorme. J'ai eu une période comme ça et en fait, je me rappelle très bien quand j'ai commencé les cafés débats à participer, je me suis dit que je m'attendais à m'en prendre plein le nez. J'avais préparé, en plus, je m'étais préparée à réagir et tout. C'est là que j'ai rencontré Célène, on était les deux seules nanas et tout ça. J'étais trop ready et tout. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Tout le monde nous parlait normalement. On n'a pas eu une seule remarque. Donc en fait, ça a complètement désamorcé ça. Donc je me dis, déjà, les mentalités changent. Les mentalités changent avec l'âge également. Je pense que aussi on est plus vieux et du coup on est tous moins cons parce que je ne devais pas être beaucoup plus fine. Hein. Et ça m'a vraiment aidée en fait à sortir de la colère à ce niveau-là, vraiment. Et je suis contente d'être sortie de la colère, alors pas complètement en termes de féminisme, hein, mais sur ce domaine-là, oui. Et ça c'est très chouette. Ça m'a permis de prendre en assurance également et parce que j'applique très très souvent le fake it until you do it. Et ça ne se voit pas quand je suis mal à l'aise. Hein. J'ai la chance de pouvoir cacher mon malaise sans problème. Et en fait, maintenant, je suis moins mal à l'aise que j'ai pu l'être à parler avec des gens que je connais pas. Au contraire, dans le genre, maintenant, c'est genre, ok, ça va. Puis je tutoie tout le monde. Ça m'est resté de mon année québécoise. Mais je pense que c'est l'udologie aussi qui m'a apporté ça. C'est on est là pour parler sur un pied d'égalité d'un sujet qui intéressera des gens. Donc je le fais avec tout le monde maintenant. Céline. Très rapidement, je me retrouve totalement dans ce que tu dis et je pense que si j'enseigne aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à l'udologie, hein, parce que le fait de pouvoir parler à plein de gens différents et ne jamais avoir de remarques sur quelques différences que ce soit, ça m'a aidé aussi à aller vers l'autre et à aller vers des inconnus à qui j'enseigne des trucs. Cela dit, si je peux quand même ajouter, je pense que, enfin moi c'est pareil, je peux pas forcément avoir la même expérience parce que je suis rentrée dans l'udologie il y a moins d'un an et j'ai fait 2 épisodes, donc bon, je pense que c'est un peu maigre, mais malgré tout, ça m'a quand même, du coup j'en parlais avec cette histoire aussi de conférences et tout, ça m'a apporté aussi de la légitimité où je me suis dit je suis légitime à m'interroger sur plein de sujets autour du jeu vidéo et à interroger des gens là-dessus et à, enfin voilà, j'ai aussi cette forme d'expertise, mais comme tout le monde en fait, en gros. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça. J'ai beaucoup hésité en fait avant de postuler, parce que j'étais là genre je sais pas, je pense que je suis trop nulle et tout. Puis en fait au bout d'un moment je dis mais t'es con en fait, vas-y. Ma volonté c'était vraiment ça, c'était de me dire si moi ça m'a permis de me sentir légitime, évidemment qu'il y a plein d'épisodes qui peuvent aussi faire le même effet chez les gens. Et si je peux aider à ça... Et surtout des femmes, parce que, effectivement, comme tu le disais, Fanny, c'est compliqué. Quand on est une femme et qu'on joue, ça tend à changer, mais ça reste quand même très compliqué. Et en fait, il y a plein de meufs qui ont besoin d'entendre des voix féminines là-dedans et qui leur disent, mais on a envie de vous écouter plus, en fait. Donc, du coup, Il y a encore pas très longtemps, sur Twitter, justement, on a été cités. Moi, ça m'a fait... C'est le genre de truc où ça me fait vraiment plaisir, c'est que... je sais plus, hein, c'est juste j'ai cherché le mot ludologie et je suis tombée sur un échange de tweets où une nana demandait je cherche des podcasts sur le jeu où animé par des femmes, donc et quelqu'un lui a juste répondu il y a ludologie, c'est pas il y a pas que des filles, mais il y en a. Et en fait, je me dis, si au moins on a pu participer à ça, je reste pas du tout une pro du jeu, mais j'adore poser des questions et je me dis au moins il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir continuer et se sentir bien à le faire. Ça me fait très plaisir d'entendre ça, surtout quand on a commencé sur un plateau entièrement masculin. Manuel me signale que j'avais oublié quelque chose dans le conducteur. Avant vraiment de conclure, et cette fois ce sera la bonne, on ne va pas non plus prolonger et faire tirer des larmes pour être sûr que vous pleurez dans vos chaumières. On j'ai oublié de faire un tour des épisodes que vous avez aimé réaliser. Cette fois, pas forcément écouter, mais réaliser. Je ne sais pas, je regarde autour de moi. Corentin, vas-y. J'ai gagné la bataille, apparemment. Oui, clairement, par forfait. Non, mais en plus, ça va aller vite parce que c'est un épisode qui a déjà été nommé. C'était l'épisode avec Eugénie sur le théâtre d'impro. Donc, je ne sais plus quel numéro c'était. C'était le 89, c'est ça, l'épisode sur le théâtre d'impro, donc. Et c'était un épisode vraiment... en fait, il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure, Adrien, qui m'a fait rire. C'était grâce aux questions de Clem et c'est que partiellement vrai, parce que moi, j'ai le souvenir, c'est la première fois que ça s'est passé comme ça, et c'est assez rare que ça arrive quand on fait des interviews sous forme de podcast. Là, Eugénie avait tout préparé à l'avance. Et quand on a fini, qu'on a voulu lancer la conclusion, elle a dit « Oh, j'avais encore quelques notes !» Et elle a fait un quart d'heure quasiment de solo sur des sujets super intéressants. On était là avec Clem. Enfin, donc c'était vraiment une expérience vraiment cool. C'était super enrichissant. Elle est très sympa. Du coup, en termes, on va dire, d'expérience pro, enfin de ce qu'est une interview, c'était vraiment plaisant parce que ça glissait tout seul, c'était vraiment cool. Puis c'est le premier épisode que j'ai monté après, donc vraiment une expérience, ou le deuxième, une expérience entière. Voilà. Juste, je trouve ça vraiment magique que la plupart de nos épisodes sont improvisés et que celui sur le théâtre d'impro, il est écrit. Non, je disais sur les questions parce que Eugénie vous remercie pour la qualité de vos questions. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où elles semblent être en dehors de ses notes. Enfin, en tout cas, dans ce que j'en entends et dans ce que je comprends. Et c'est pour ça que j'ai cité celui-là, notamment sur les questions que ça posait. On continue le tour de table ou tu as quelque chose à rajouter, Corentin ? Comme elle n'est pas là, quand même, merci à Clem parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup bossé sur ces questions-là. On a bossé ensemble et puis après, elle a rebossé derrière beaucoup. Donc, merci. Parce que la qualité de cet épisode, elle venait aussi beaucoup d'elle. Moi, j'avais prévu de détourner la question et de ne pas appliquer la consigne. Voilà, je préviens. Donc, j'avais prévu des super notes pour parler de quasiment tous les épisodes auxquels j'avais pu participer. Et bien sûr, je les ai oubliés au boulot. Voilà, bravo moi. Déjà, parler du tout premier épisode où on était avec Coralie David et Jérôme Larrey. Et le pire, c'est que j'ai oublié complètement le sujet pour la bonne et simple raison que j'étais terrorisée. Et en fait, genre au bout d'une demi-heure d'enregistrement, on se rend compte que le petit son qui gênait tout au début avait hyper augmenté, était devenu insupportable. Et là, on dit bon, on coupe l'enregistrement, on teste, on écoute, le truc était inaudible et on a dû recommencer dès le début. Et c'était génial, c'était parfait pour moi parce qu'en fait, j'avais été nulle, je bafouillais mes questions parce que j'étais beaucoup trop impressionnée. Et je me rappelle, j'étais à moitié en train de dégouliner de sueur alors que j'étais juste derrière un micro. Heureusement que je me suis jamais mise à la vidéo. Et en fait, on a recommencé de zéro. Et là, mes questions, c'était vachement mieux. Donc, c'est trop cool. Voilà. Après, il y a eu le premier, on va dire, vrai épisode. Parce que là, c'était une introduction de saison. On était tous les quatre avec Manuel, Adrien, Célène et moi. Ça a été sur comment apprendre à soigner en jouant avec Marc Udgia. Donc là, pareil, ça m'a appris aussi l'improvisation. C'est que en 20 minutes, à la première question, il nous a répondu à tous les points qu'on avait prévus sur lesquels on avait prévu de l'interroger. Donc, c'était quand même un peu gênant. Et donc, là, je me suis dit, bon, en fait, quelles que soient les préparations que je fais, va falloir improviser des questions. Ouais. Manuel ? Et pour citer après pêle-mêle, on a fait quand même des sujets sur l'accessibilité, sur ARG, que encore maintenant je bug pour savoir ce que c'est. Et Manuel se moque assez de moi sur ce sujet parce que j'oublie une fois sur deux. Bon, je ne reparlerai pas de l'épisode avec Maria Kalash sur Jeu idiot, pas si bête, l'épisode de Génie, s'entraîner à jouer. Sabrina Calvo avec Jeux traditionnels et support numérique. Il y a eu un épisode sur l'intelligence artificielle avec Fibre Tigre qu'on avait enregistré avec Manuel, où j'ai enfin su ce que c'était que la génération procédurale, sachant que j'avais genre vu ce truc-là dans plein d'articles et je n'avais jamais compris de quoi il s'agissait. Donc si vous vous posez la même question, allez l'écouter, c'est assez génial. On avait fait un super épisode sur communiquer en jouant avec Éric Minguet qui m'a transmis des éléments que j'ai pu appliquer aussi ensuite au travail sur la bienveillance et et ce que le jeu de rôle en fait peut apporter au travail. Et ça m'a, moi, permis de modifier ma pratique aussi. Ça, ça fait partie des atouts. Un épisode qui n'a pas encore été cité et que je porte dans mon cœur, qui est « Frodon serait-il un bon personnage de jeu de rôle ?» Le premier épisode que j'ai enregistré avec Corentin, notamment parce que j'adore le tout premier épisode de Corentin, en fait, et j'adore l'invité, Lionel Davoust, qui est un auteur dont j'adore les livres, et pareil, c'était l'occasion d'une belle rencontre. Jouer au Moyen-Âge, jouer botanique... le game design des casual games, comment on réalise des jeux pour les nuls. Là, c'est le seul que j'ai enregistré dans cette saison. Donc, je ne les ai pas tous avec Célène. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mes élèves, parce que j'enseigne dans une école de game design, et mes élèves devaient faire en fin d'année des jeux type Ware. Et du coup, il y en a certains qui ont écouté l'épisode. Excellent. Ah, ça marche, ça fonctionne. Et en fait, voilà, du coup, je fais de tête ceux qui me viennent. J'en ai sûrement oublié. Et c'est la manière de dire où, je ne sais pas si j'ai déjà dit au micro, mais moi, l'udologie, c'était surtout une très bonne excuse pour avoir des conversations passionnantes avec des gens merveilleux. Et s'il y a des gens, je remercie vraiment beaucoup les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté ces conversations. Mais je remercie encore plus en fait les invités qu'on a pu avoir, parce que honnêtement, moi, j'ai eu des gens. J'aurais jamais pu espérer avoir des conversations pareilles avec des gens, mais incroyables quoi. C'est des gens passionnants, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont pas snob, qui sont accessibles et qui ont envie de transmettre en fait. Et donc ça, c'était des éléments qui étaient hyper touchants. Et je conclurai sur l'épisode Pourquoi tu joues, parce que pareil que Célène, moi, quand je recevais les témoignages ou qu'on recevait l'un après l'autre les témoignages, j'ai vraiment pleuré plusieurs fois en recevant les audios, en recevant les textes aussi qui ont été envoyés pour celles et ceux qui n'avaient pas voulu s'enregistrer. Et ça a été un déchirement que de devoir couper pour tenir dans un temps audible pour tout le monde. Et je suis encore désolée pour celles et ceux dont j'ai coupé un peu la parole, mais bon, c'était un peu nécessaire malgré tout. Et ça a été un sacré challenge en montage, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un paquet de boulot à apprendre sur ce sujet-là. Mais voilà, donc merci du coup aux invités, merci aux auditeurs, aux auditrices. Et un dernier mot, parce que en fait, j'ai calculé, j'ai dû faire une vingtaine, bon, j'avais les stats précises, mais du coup, je les ai oubliées, mais j'ai dû faire une vingtaine d'épisodes. Ma majorité de binôme, c'est avec toi, Adrien. Ouais, voilà, on en a fait 8 ensemble. Et juste après, c'est Célène. Et ensuite, voilà, Corentin, Emmanuel. Luna, on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer avec Clem non plus, ni avec Vianney, qui était avec nous la saison dernière. Et voilà, donc c'est le seul regret que je garde de l'udologie, c'est qu'il y a des gens avec qui j'ai pas pu enregistrer, vu qu'à chaque enregistrement, c'était des événements super chouettes. Je me dis, ça, c'est un peu dommage. Et donc, voilà, mais merci à l'équipe aussi, parce que c'était une belle aventure tous ensemble. Merci, Simon, parce que même si tu n'es pas au micro, tu es toujours là avec nous aux réunions et tout ça, et tu nous aides vachement. Donc, voilà, tu mets des gifs de chouette qui sont trop mignons. Bah, du coup, je vais prendre la suite. En plus, ça tombe bien, ça résonne un peu avec ce que disait Fanny sur le fait que les bons épisodes, c'est aussi pour un certain nombre d'entre eux des belles rencontres. Bon. Il y a un épisode qui a une place un peu, que j'aime beaucoup. Pour le coup, celui-ci n'est pas tant une histoire de rencontre qu'il a été absolument jubilatoire à enregistrer. J'ai encore souvenir des éclats de rire qui émaillaient le podcast pendant même l'enregistrement, parce qu'on racontait des bêtises, mais enfin, on élaborait. C'est l'épisode numéro 47, « Est-ce que tricher, c'est encore jouer ?» avec Mathieu Triclot qui explore les ramifications philosophiques de la triche dans le jeu, et c'est assez passionnant. Et puis sinon, il y en a plein, je ne vais pas citer forcément les noms des épisodes, mais en tout cas les épisodes avec des gens comme Vincent Berry, comme Florent Morin, ou comme Xavier Béret, le patron de l'heure du jeu et du quart d'heure à Rennes, qu'on a reçu à plusieurs reprises. Ont été des moments très chouettes, et puis des vraies belles rencontres avec des gens qu'on a été amené à croiser par ailleurs. Il y a un invité en particulier quand même que je tiens à citer, qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est Yann Chauvière, parce qu'à travers cette rencontre, moi j'ai été amené à co-organiser avec Yann par la suite euh, plusieurs années de rang, les tables rondes et les conférences du Stonefest, et puis finalement, c'est toute l'équipe de ludologie qui a participé à cette organisation. Enfin voilà, et puis c'est devenu un ami, quoi. Donc c'est vraiment une rencontre. Et puis, bah oui, effectivement, ce que tu disais, Fanny, c'est aussi beaucoup l'équipe. Je cite, il y a plein d'invités que je voudrais citer, mais en fait, il y en a plein. Soit je les connaissais avant, soit je les avais rencontrés sur le Stonefest, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est des rencontres dues à ludologie. Et les quatre que je donnais, vraiment, c'est très notable. Je ne les aurais pas rencontrés sinon. Il y a un épisode qui est. Je ne sais pas à quel point il est bien, mais en tout cas, je sais qu'il a été important pour moi et je pense pour Adrien aussi. C'est l'épisode qu'on a fait en saison 2, je n'ai pas le numéro sous les yeux, je vais essayer de le trouver, sur les jeux coopératifs. Parce que quand on a monté Ludologie avec Adrien, on se disait, ce serait cool qu'un jour, on arrive à avoir Antoine Boza en invité. Parce qu'on avait pas mal d'admiration pour son travail de game designer. Antoine Boza, c'est lui qui a fait notamment Seven Wonders, par exemple. Voilà, c'est une méga star quand même du jeu de société français. Voilà. Et donc, on l'a eu. Le jour où on a voulu le contacter, ça nous a pris environ une demi-heure. On l'a eu sans difficulté en épisode et c'était en saison 2. Autant dire que le défi était réglé à ce moment-là. Et puis après, voilà, c'était du bonus, quoi. Donc, 4 ans qu'on fait des bonus. Mais au début, notre excuse, c'était, enfin voilà, on a monté Ludologie pour pouvoir avoir l'occasion d'interviewer un jour Antoine Boza. Et du coup, donc l'épisode 32, comment on fait un jeu coopératif, ça a été une petite étape. Et depuis, en plus, je trouve que l'offre de jeux coopératifs s'est considérablement enrichie. Rétrospectivement, du coup, c'est intéressant de regarder ce que peut en dire Antoine à cette époque-là. Quoi. Pour abonder dans ce que tu dis, Manuel, et sans citer des personnes que tu as déjà citées, j'ai envie d'ajouter aussi la rencontre avec Marion Coville pour l'épisode sur la muséification et le jeu vidéo, qui a été pour moi frappante et très très belle rencontre. Celui-là, j'avoue, j'étais jaloux de ne pas être avec vous. J'étais très jaloux. Tu avais de quoi ? Bah ouais, effectivement. Je ne l'ai pas cité dans mon top parce que, voilà, il fallait choisir et c'était compliqué. Je me suis fixé trois podcasts, mais oui, musification, il a un impact assez particulier. Que ce soit pour vous trois, du coup, et puis pour le podcast, ça avait une signification particulière. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à dire. Bon, bah, je crois qu'il est l'heure. Ça fait très bizarre, je vous avoue. Ça fait un peu mal, même. Moi, j'ai une question quand même. Vous allez faire quoi maintenant ? Voilà, bah, j'allais y venir sur. Maintenant, il faut envisager la suite. Je vais y arriver. Et donc, ouais, où est-ce qu'on vous retrouve en dehors des aventures de Ludologie ? Parce que certes, Ludologie s'arrête, mais je pense qu'autour de cette table, on est plusieurs à ne pas s'arrêter de faire des choses, que ça concerne le jeu ou non. Je vais peut-être commencer par. Toi, Yuna, parce que tu es arrivée cette année, mais ça ne t'empêche pas de faire des choses quand même. Je fais des choses. Je stream essentiellement. Je stream autour du cinéma et autour des jeux, mais du coup aussi en ce moment un petit peu plus pour sensibiliser, enfin en tout cas parler de sujets importants, notamment autour du féminisme. Et aussi parfois forcément ça s'embranche sur l'anticapitalisme ou des choses comme ça quoi. Enfin bon, en tout cas essayer de pervertir les masses bien sûr parce qu'il y a besoin en ce moment tout le temps de toute façon, donc c'est ce que je fais. Je suis retrouvable sur les réseaux, si vous cherchez Dollywood normalement vous finirez par tomber sur mes méfaits, donc je vous invite, si jamais ça vous intéresse et que ça vous fait pas peur, n'hésitez pas à venir parler avec moi parce que j'aime bien parler avec les gens, je trouve que c'est important, les gens ont plein de choses à dire et plein de questions à poser. Et effectivement, Fanny, tu disais que tu aimais bien poser des questions aux gens. Et je pense qu'il faut aussi les autoriser à poser des questions eux-mêmes et elles-mêmes, parce que c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans tout le tumulte de ce qui se passe en ce moment, à tout un tas de niveaux. Et voilà, c'est important d'informer, de sensibiliser. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire plus que tout. Et bah, c'est très cool de la radicalisation en bande organisée. Moi, je suis pour. Exactement. Célène. Autre ambiance, du coup. Étant donné que, bah oui. C'est une autre bande organisée. Voilà, c'est, on appelle plus ça un conseil municipal. Mais ça va être un apprentissage, déjà. Et il va falloir, du coup, se mettre au travail très, très vite. Je ne peux pas encore parler de ce que je vais faire, parce qu'il s'avère qu'on enregistre à 2 jours du conseil d'installation. Un peu dommage, mais en même temps, celles et ceux qui suivent mon actualité le verront bien assez tôt. Sur Twitter, c'est... Céline Moni. Voilà. Ça va être beaucoup de travail et il est possible que vous m'entendiez plus très souvent sur les ondes virtuelles, j'ai envie de dire, parce que effectivement, ça va être un engagement pour les 6 années à venir. Un mandat municipal, c'est 6 ans. Comme je disais, l'udologie m'a beaucoup aidé dans le procédé, et pas seulement à parler d'ailleurs, aussi à écouter. Fanny, toi, quels sont tes projets à venir? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? C'est marrant parce que en fait, l'udologie se termine. J'ai un autre projet associatif qui vient de se terminer. Dans 3 jours, je ne serai plus bibliothécaire et il faut que je trouve un autre métier. Voilà, je suis presque chômeuse. J'ai l'impression un peu de tourner une page et de me lancer dans des gros projets. Donc j'ai des gros projets dont je ne parle pas trop parce que j'ai envie de les réaliser et j'ai l'impression que si j'en parle de trop, ça marchera pas. Il y a l'association Studio Tilettante, donc qu'on a cofondée avec Adrien, Manuel et Célène dans le but de promouvoir le podcast et d'aider des gens à en faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. À côté, je suis dans une autre asso où Corentin et moi, on est coprésidents du Laboratoire des Imaginaires, où l'idée, c'est de promouvoir les travaux des étudiants, les travaux universitaires sur les cultures de l'imaginaire. Pour faire cours science-fiction, fantasy et fantastique. Et par ce biais-là, d'ailleurs, on fait un podcast où on rediffuse le contenu du colloque qu'on a pu organiser en mars dernier, qui a été un super succès. Et ça, c'est un très beau projet. Donc déjà, il va falloir tenir le colloque 2021 et s'occuper de la publication des actes de ce colloque, faire une pré-vente et tout ça. Ça, c'est un sacré boulot. Et voilà, moi, mes projets, c'est aller du côté de l'édition, dans d'autres bords aussi. Et on me retrouve sur Twitter sous le pseudo de Ose, avec une très très jolie illustration comme photo de profil qu'une amie a fait récemment, qui est illustratrice, Solène. Et je la remercie parce que ça fait genre une semaine que je l'ai et je suis tellement heureuse. Elle m'a dessiné en dragon. Voilà le rêve. Et je pense que j'ai fait le tour. Après, moi, sur mon Twitter, je cause pas beaucoup, je repartage et de temps en temps, je pose un coup de gueule, soit sur la chasse des animaux sauvages, la protection de la nature, le féminisme. Voilà. Corentin, où est-ce qu'on suit tes aventures podcastiques ou littéraires ou sociologiques? Tout ça, a priori, comme Fanny le disait, on a quand même pas mal de projets en commun, mine de rien, entre le laboratoire et des idées éditoriales en tête. Donc voilà, elle a fait le tour, globalement, le laboratoire des imaginaires, elle a déjà dit comment ça fonctionnait. Moi, je continue à faire du podcast, a priori, si tout se passe bien, on est encore en train de voir si ça va pouvoir se faire, mais cette année, j'ai réalisé, dans le cadre des éditions du commun, le podcast La mécanique du livre, qui était un podcast d'information sur le milieu professionnel du livre, dont le but, là encore, c'était vraiment de donner un point de vue technique, professionnel, sur ce milieu-là, du point de vue éditorial. On essaie de faire une saison 2, du coup, pour un peu prolonger cette réflexion, changer d'angle éventuellement, plus prendre celui de l'édition, mais peut-être celui de la librairie. Et en parallèle, s'il fallait que je parle d'un projet toujours dans le podcast, j'ai cette idée de podcast de fiction, là aussi, qui risque d'impliquer plusieurs personnes de Studio Dilettante. donc un podcast de fiction qui reprendrait moi ma marotte. J'écoute pas de podcast documentaire, mais ma marotte, c'est les podcasts de fiction américains, donc en vrac, Welcome to Night Vale, Alice is Undead ou autre, que je conseille aux auditeurs. Et l'idée, c'est de reproduire un truc équivalent en France, quoi, un truc intéressant, un truc qui nous fasse voyager et imaginer. Alors, et toi, Manuel, quelles sont la suite de tes aventures ? J'ai fait une liste, que je ne vous cacherai pas que c'est un peu le bordel en ce qui me concerne. Je vais continuer à faire des jeux. J'ai profité du confinement déjà pour... profiter du confinement, c'est moche, hein ? Mais bref, j'ai publié des jeux pendant le confinement. Vous allez pouvoir retrouver des choses sur melville.itch.io. J'en ai déjà mis un certain nombre en prix libre. Voilà. Donc ça peut être gratuit si vous voulez. Et je continue, j'ai des projets... en route, des choses en anglais, des choses en français, du jeu de rôle principalement. Le reste, je verrai bien. J'ai des projets de création audio, que ce soit sur des lectures, sur des actual plays, ou un projet de podcast qui me traîne en tête, que je pense que j'attaquerai peut-être en septembre. Je verrai bien, en tout cas, au moins au niveau des enregistrements, qui s'appellera a priori Les Radicaux Libres. Il s'agira à nouveau de faire des rencontres et d'aller interviewer des gens, mais dans un cadre un petit peu différent que le cadre ludique. Ça sera probablement plus un cadre d'engagement. Je suis sur un projet d'écriture à l'heure actuelle qui devrait sortir, j'espère, à la rentrée, qui sera une fiction publiée sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, probablement Twitter aussi, qui s'appelle Les Liaisons élémentaires, qu'on écrit à 5, voilà, qui prendra la forme de conversation, de messagerie. C'est de la légère anticipation, on va dire. Et puis en plus, si je suis loin, c'est parce que je suis dans un cheminement géographique qui s'accompagne de cheminements intimes, politiques et professionnels, puisque je suis en train de devenir cuisinière. Voilà. Simon, toi, quelles sont peut-être les choses que tu fais ? Donc tu vas continuer quand même les chouettes, rassure-moi. Alors du coup, moi, désolé parce que vous n'allez pas me retrouver, parce que j'aime pas trop me montrer de base et je pense que ça va continuer. Par contre, j'aimerais en profiter pour... je vais essayer de ne pas être trop décousu. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, c'est que j'ai du mal à ne pas être décousu, mais j'aimerais en profiter pour parler un peu de Studio Dilettante. Déjà, pour si vous avez aimé Ludologie, aimé suivre Ludologie, je vous invite à suivre Studio Dilettante, tous nos canaux de communication, parce que c'est maintenant par là que va se concentrer tous nos efforts. Et en profiter aussi pour parler un petit peu du Tipeee. J'espère que je te coupe pas pour vous remercier, tous les gens qui ont donné, qui donnent encore. C'est une manière de nous soutenir aussi, autant que les vues et que les commentaires. Ça nous permet d'aborder l'avenir sereinement avec du meilleur matos. Donc voilà, j'ai vraiment merci beaucoup pour tout ça. Et oui, parce qu'effectivement, j'ai vu que certains tipeurs et tipeuses avaient continué de nous soutenir pendant le confinement, alors qu'on avait un peu gelé la production, et notamment des Ludologies, puisqu'on sait que beaucoup de nos soutiens viennent de là. Et vraiment, on vous en remercie mais infiniment. Voilà, je n'ai pas les mots à part merci beaucoup. Et vraiment, donc, si vous voulez continuer à soutenir, donc, notamment les projets dont on a parlé et d'autres à venir, effectivement, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/studio-dilettante. Vous trouverez toute l'actualité de l'asso, tout de même que sur Facebook et Twitter. Pour ma part, vas-y. Juste pour finir sur le Tipeee, avant, l'idée en fait de ce Tipeee, c'est au-delà d'aider Ludologie, c'est aussi aider les gens à se lancer dans l'aventure podcast. C'est pour ça qu'on vous avez créé l'association Studio Dilettante. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours, on a toujours envie de vous aider. Exactement. Enfin, je pense notamment à des projets comme Dangereuse Lectrice. Il y avait le FDLN. Restons polis. Restons polis. Voilà le podcast. J'allais y venir après, mais oui, Restons polis, podcast de vulgarisation politique que je co-anime avec Nemo. Oui, Fanny. Et un format moi que j'aimerais beaucoup refaire cette année. On a fait une édition d'un café podcast. Vuller, c'était plutôt un apéro podcast. Voilà, sur Rennes, effectivement, je suis désolée, hein, on est rennais, mais on sera peut-être amené à le faire ailleurs. Et c'était vraiment chouette, et c'est quelque chose qu'on... En tout cas, je sais que je ne suis pas seule à avoir envie de refaire l'expérience pour faire se rencontrer des gens qui podcastent, qui écoutent ou qui ont envie de s'y mettre et qui ne savent pas comment faire. Et donc voilà, on devrait avoir d'autres rencontres qui prendront lieu l'année prochaine. Et voilà, donc pour moi, retrouver donc, sur Restons Polis cet été, je vais aussi tenter le format de revue de presse avec une sorte de spin-off de Restons Polis que j'ai appelé Important ou pas, pour faire le tri dans l'actualité, parce qu'il y a des choses dont on s'en fout en fait et qui ne sont pas importantes. Merci encore à toutes et à tous. Merci, donc je l'ai dit, aux tipeurs et aux tipeuses qui nous ont soutenus et qui peut-être vont continuer, en tout cas on l'espère, à soutenir et à suivre nos activités. Merci infiniment à toutes et tous pour tous ceux qu'on a vus, rencontrés, croisés de près, de loin, qu'ils aient été devant le micro ou derrière les machines dans l'ombre. Merci à Suzy Q pour le générique. J'ai hâte de vous revoir avec ou sans micro, en tout cas. Ce sera toujours un plaisir et comme j'ai l'habitude de conclure les ludologies à jouer tant qu'on a le droit, je pense que la conclusion c'est continuer à créer, continuer à aimer, continuer à partager tant qu'on a encore le droit. À bientôt sur d'autres ondes. Ciao.